éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Cette fois-ci, je voudrais vous parler d'une femme qui a observé l'ombre de la guerre sans jamais rester silencieuse. Une femme qui a risqué sa vie pour sauver des trésors inestimables et pourtant dont le nom reste peu connu. C'est Rose Vallant. Elle est née le 1er novembre 1898 à Saint-Étienne, en France. Passionnée par l'art depuis son enfance, elle devient conservatrice au musée du Jeu de Paume à Paris. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate et que les nazis commencent à piller les collections d'art françaises, Rose Vallant ne se contente pas d'observer. Elle prend des notes en secret, mémorise chaque détail et transmet clandestinement ces informations à la résistance. En plus de sa mémoire exceptionnelle, Rose Vallant comprenait l'allemand, ce qui lui permettait de suivre discrètement les conversations des officiers nazis et d'anticiper leurs déplacements. Ces informations ont été essentielles pour retrouver et restituer les collections après la guerre. Grâce à son courage et à sa discrétion, elle permet à des milliers d'œuvres volées d'être localisées et restituées après la guerre. Elle agit dans l'ombre, jour après jour, tout en risquant d'être arrêtée et envoyée en déportation. Sa connaissance minutieuse des collections, sa mémoire prodigieuse et son sang-froid font d'elle une figure essentielle du sauvetage du patrimoine artistique français. Rose Vallant n'a jamais pris les armes, mais son action était une véritable résistance. Elle a montré que le courage ne se mesure pas seulement par les batailles visibles, mais aussi par la détermination silencieuse à protéger ce qui est précieux. Elle est morte en 1980, laissant derrière elle un exemple de bravoure et d'intelligence au service de l'histoire et de la culture. Et c'est exactement ce qu'il faut retenir d'elle. Face à l'injustice et au danger, certaines femmes choisissent d'agir et elles changent tout.